Je dis n'importe de moi comme si j'avais les mains en or. Dès qu'elle est arrivée, mon cœur a mis les mains en l'air. Elle est bonne, elle est belle, elle fait mal à la tête. J'ai des appels manqués parce que j'ai rechargé la tête. Je lui dis que je suis à la zone, que je suis fatigué. Je veux pas zoner, fait goulier est venu me chercher en tum-tum. Elle veut pas finir sa vie avec un prisonnier. Mais je dois la sortir du bando, il faut la somme sans merde. Je suis quel connard, faut que je me dirige à l'aise. Le bonheur des bolos, on passe les frontières à l'aise. Sarrasin est pauvre, ma gueule comme Aladdin. Fracturé ta porte, moi je dois payer la donne. À quoi tu t'attends? Je suis dans le bloc, ils montent tous dans le collimateur. J'ai pété la bouteille et puis la folie matin. Je rentre pas ce soir, tu dors toute seule. Allez, Zina, oublie-moi. Tous les soirs, je suis qui est, moi je bosse qu'au billet. Ouais, Zina, oublie-moi. J'arrive même plus à nier, tellement t'es trop niais. Ouais, Zina, oublie-moi. Ça fait longtemps que je suis qui est, longtemps que j'ai brillé. Ouais, Zina, oublie-moi. Oublie-moi, oublie-moi. Mon pote parle de moi comme si j'avais les mains en or. M'a dit la clio de c'est bien, mais bon, je suis mis en lock. On rentre dans la banque, on leur met tous les mains en l'air. On rentre dans l'archat, on les fait tous miauler. Faut des billets violets pour calmer ma violence. Mon pote, j'ai pas le temps de te jouer du violon. S'il y avait pas d'intérêt, tu serais pas mon collègue. Si demain je le terrain, j'aurais le bras trop long. Ouais, pote, oublie-moi. C'est vrai, on fait des lobbies, mais au fond, c'est mauvais. Ouais, pote, oublie-moi. Et ton mental est affreux, j'ai plus rien à t'offrir. Ouais, pote, oublie-moi. Vite, oublie-moi, je veux me tailler de là. Et niquer le gamin en vitesse qui retient mes deux lettres. Y, elle est dans la tête, tu peux parler de lui. Ouais, allez, Zina, oublie-moi. Tous les soirs, je suis qui est, moi je bosse qu'au billet. Ouais, Zina, oublie-moi. J'arrive même plus à nier, tellement t'es trop nia. Ouais, Zina, oublie-moi. Ça fait longtemps que je suis qui est, longtemps que j'ai brillé. Ouais, Zina, oublie-moi. Oublie-moi, oublie-moi. Tu me connais, je veux braquer tes lobes et tes dollars. Zina, je rentre pas, c'est trop tard. J'ai plus de Yankee que McDonald's. Tu me connais, je veux braquer tes lobes et tes dollars. Zina, je rentre pas, c'est trop tard. J'ai plus de Yankee que McDonald's. J'suis qu'un connard. Rebus, j'suis qu'un connard. Je veux compter mes dollars, je veux compter des tonnes. Ouais, depuis l'écolier. J'ai pas écouté mon cœur, j'ai servi les clients, j'ai servi les tauliers. Et j'ai fini la veille, je rentre pas ce soir. Tu dors toute seule, tu dors toute seule. Allez, Zina, oublie-moi. Tous les soirs, je suis qui est, moi je bosse qu'au billet. Ouais, Zina, oublie-moi.